Alors, c'est cours sur l'écoute anthropologique, troisième partie de la journée du 24 octobre. J'espère qu'il y aura encore de la place parce que je l'ai laissé tourner pendant tout le repas. Alors, bon, à un moment donné, peut-être je vais vous proposer cet après-midi un petit film sur les interférences lumineuses en physique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça? En fait, ce que je vous ai proposé à propos de Lévi-Strauss est quand même un phénomène étonnant. Hein? Je suis parti du principe que un tel phénomène aussi beau, mettons, hein, est étonnant et devait trouver une explication. J'avais besoin de comprendre d'où venait ce phénomène-là. Et donc j'ai fait des recherches dans divers domaines, en philosophie, en physique, pour arriver à cerner ce phénomène. Et je vous ferai part de mes recherches dans ces domaines pour essayer de saisir ce phénomène autrement, tout en continuant à travailler sur le phénomène lui-même. Alors, donc ce qui se dégage, si vous voulez, à la suite de cette analyse, ce sont des oppositions de signifiants. Opposition de signifiants, on parle de surestimation, sous-estimation. Hein, on parle de. En contact étroit avec la Terre et coupé de la Terre. Il y a donc une opposition à chaque fois. On appelle des oppositions de signifiants. Ces oppositions de signifiants pourraient avoir à être interprétées, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir trouver la subjectivité qui a présidé à la mise en valeur de cette opposition de signifiants, c'est-à-dire au fond. Pourquoi? Organiser. Qui a organisé ça? Voilà, c'est ça. Mais qu'en est-il de cette subjectivité? Pourquoi faut-il associer une subjectivité à une opposition de signifiants? On se rappelle la formule célèbre de Lacan, un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. C'est-à-dire que quand il y a deux signifiants qui se font face ou qui s'opposent, le sujet est entre les deux, mettons. C'est-à-dire que le sujet, il utilise un signifiant pour se faire représenter vis-à-vis de l'autre signifiant. Le sujet est entre les deux, finalement. Pour Lacan, le sujet se situe entre ces deux signifiants qui se renvoient sans cesse la balle. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi? Pourquoi c'est dans cette fissure entre deux signifiants que doit se situer le sujet? C'est très difficile de savoir, de comprendre pourquoi les choses sont ainsi faites. Attribuer une subjectivité particulière à cette opposition de signifiants en faisant une interprétation peut quelquefois paraître audacieux, comme on l'a vu ce matin. Mais bon, je vais laisser cette question aux soins d'une réflexion ultérieure. Ce qui compte, c'est que nous disposons d'une méthode qui permet de dégager les signifiants d'une façon systématique. Je n'ai jamais rencontré de texte qui préconisait d'appliquer cette technique aux séances de psychanalyse ou de psychothérapie. Je n'ai même pas rencontré de texte qui suggère que dans une séance, il puisse y avoir des séquences répétitives, ce qu'on a appelé ce matin des épisodes, comme dans les mythes. Hein? Je n'ai pas vu de texte qui dise ça. Mais il y a sûrement quelqu'un qui l'a dit avant moi. C'est une idée qui m'est venue dans les années 80, il y a une trentaine d'années. Je n'en ai fait part à personne, pensant qu'elle était banale et que tout le monde l'avait déjà eue, tellement elle me paraissait évidente. Hein? J'avais imaginé à partir de cette idée une machine qui permettrait de dégager de façon automatique les signifiants de n'importe quelle séance d'analyse. C'était la période où les ordinateurs personnels commençaient à se répandre. On imaginait alors toutes sortes d'usages plus audacieux les uns que les autres de ces ordinateurs. J'ai écrit un texte à l'époque où je décrivais minutieusement le fonctionnement de la machine. Le texte existe encore, mais la machine ne s'est pas réalisée. Et peut-être que je vais le faire. Hein. Je trouve que ça vaudrait la peine. Là, ça fait partie de mes... des choses que je devrais transmettre avant de partir. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, la machine n'a jamais vu le jour. À l'époque, les travaux de linguistique et d'intelligence artificielle étaient encore primitifs. Je vais contacter des centres de recherche multiples pour faire ça. Mais ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, là, ça devrait être ultra facile de faire ça. Là. C'est incroyable. Mais bon. C'est peut-être qu'aujourd'hui, cette machine pourrait voir le jour plus aisément. Ce serait formidable qu'on puisse mettre son psychanalyste dans une bouteille pour l'amener avec soi en vacances. Il pourrait même y avoir un analyste sur Google qui serait accessible à tout le monde. En attendant ce jour, on va continuer à travailler à la mitaine. Je vais à présent vous donner un exemple d'application de cette technique d'analyse à une séance clinique. Il s'agit d'un analysant homosexuel dont le copain, avec qui il s'entend très bien, lui a offert pour son anniversaire un saut en parachute. Okay. Ce cadeau lui a paru tellement incongru qu'il en a été presque scandalisé. Il ne parvenait cependant pas à mettre des mots sur les raisons pour lesquelles il était si ébranlé. Il questionnait ses amis en leur demandant si, à sa place, ils auraient eux aussi été choqués, sans toutefois que ses amis ne l'aident à voir plus clair. Cette idée avait émaillé plusieurs séances lorsqu'un jour, il m'est venu avec un rêve. Il se voyait regardant. Attendez, avant de. Je vais dégager le tableau. Alors. Il m'est venu avec un rêve. Il se voyait regardant une des pièces de son appartement depuis une fenêtre. Et voyait une fissure dans le sol. Alors, on va mettre fissure dans le sol avec des souris qui sortaient et rentraient dans la fissure. Souris intérieure et extérieure. Quelquefois, ces souris laissaient des traces d'urine grâce auxquelles on pouvait les suivre à la trace. On voit trace d'urine. Il ajoute qu'il a une sainte horreur des souris. Il raconte enfin, durant cette même séance, qu'une de ses collègues dont il sait, il travaille dans le privé, là, puis il a vécu un moment difficile parce qu'on lui a dit, parce qu'il est cadre plus ou moins, on lui a dit qu'une de ses collègues de même niveau que lui, ou peut-être d'un niveau inférieur, va être congédiée prochainement. Donc il savait qu'elle allait être congédiée, mais n'avait pas le droit de le lui dire. Elle ne le savait pas, évidemment. Et cette collègue s'est montrée particulièrement insatiable lors d'une rencontre qu'il avait eue avec elle. C'est-à-dire, il a été dîner avec elle, je pense, après son congédiement. Et elle avait été insatiable avec lui. Alors, bon. Au niveau de savoir l'information, de lui tirer les verres du nez, ou dans le sens qu'elle avait un intérêt pour lui? Je ne sais pas trop, j'avoue. Alors, où on va mettre ça, je ne sais pas. On va mettre ça, peut-être ici. Collègue insatiable. C'est pas sûr que ça va rester là, mais en attendant de trouver où on va le mettre ici. Hein. Alors, dans un premier temps, je fais le lien entre la fissure du rêve et le sexe féminin. Hein. À partir de là, le caractère insatiable de la collègue peut venir ici. Hein? Parce que, nous savons qu'il s'agit d'un homosexuel, et pour lui, le sexe féminin a un caractère inquiétant, insatiable, dont il doit se protéger. Donc, on peut légitimement dire que la collègue insatiable irait dans cette colonne. Hein. Alors, je lui fais cette remarque. Il me dit, oui, vous avez raison, mais il n'y a pas la souris. Qu'est-ce que c'est la souris, au fond? Il se demande. Puis la séance s'arrête là. Et dans l'intervalle entre deux séances, il me vient à l'idée que le saut en parachute pourrait fort bien s'inscrire comme quatrième élément parce qu'après tout, quand on saute en parachute, on est inspiré par la gravité, exactement comme le sexe féminin pour un homosexuel. Hein, c'est pas de... Donc voilà notre tableau. Bon, il n'a qu'une seule colonne, vraiment. Bon, on peut imaginer quelque chose d'une mère phallique ou quelque chose comme ça, là, ou de ce que l'urine peut représenter comme idée de pouvoir, hein, souvent. Mais bon, je n'ai pas... Je ne sais pas pourquoi, moi je voyais un gars avec trace d'urine. Oui, oui, mais dans c'est une conception... Peut-être parce que, tu sais, même si on imagine plus un homme qui fait ses traces qu'une femme. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais bon, pour lui, homme et femme, il n'y a pas de différence. Hein? Mm-hmm. Donc, la mère phallique peut très bien se comporter de cette façon-là. Mm-hmm. C'est tout à fait vrai que l'urine est associée au pouvoir, à l'idée de pouvoir, mm-hmm. à l'idée de territoire. Comme les chats. Mm-hmm. Comme les chats, les chiens. Mm-hmm. Et sans doute les hommes aussi. Hein? C'est... Ben comme les gars qui pissent partout en vacances. Ah oui? Ben dans le sens que les hommes, quand il n'y a pas de toilette, c'est moins problématique que pour les femmes. C'est vrai. C'est vrai. Les traces d'urine, ce sont des femmes. C'est souvent les gars d'hommes. Qui font ça. Ce sont pas les femmes. Mais vous savez qu'en Suède, ils sont en train d'interdire aux hommes de pisser debout, hein. C'est... Ah oui? Oui. La logique étant pour la discrimination homme-femme. Quand même. C'est un privilège qui désigne la différence homme-femme. Et il faut vraiment... La différence homme-femme est devenue scandaleuse là-bas. Et donc, il ne faut pas qu'elle apparaisse. C'est une théorie unisexe, là. Je ne sais pas si... C'est une théorie qui se répand là-bas. J'avoue que j'ai du mal. Mais c'est qui va savoir qu'est-ce que l'homme va faire derrière la porte de la toilette? Oui, mais... Il y a les urinoirs, ils vont peut-être éliminer, interdire les urinoirs. Le bannissement des urinoirs. Ben, tu sais, les transgenres de plus en plus revendiquent des espaces neutres. Tu sais, ils ont demandé à l'Université McGill ou Concordia de construire quelque chose de neutre. Donc, un endroit où, qu'on soit un homme, une femme, un transgenre, tout le monde peut entrer. Que c'est pareil pour tout le monde, pour éviter la discrimination de ces gens-là. Ben parce que les transgenres, ils vont dans les toilettes des hommes ou des femmes. Mm. Fait que là, ils revendiquent. En tout cas, il y avait des gens là, qui revendiquaient ça, puis ça a été accepté. Mm. C'est déjà comme ça dans les cégeps plus progressistes, entre guillemets, à Montréal, mm-hmm. le cégep de Saint-Laurent. Moi, personnellement, je trouve ça normal que si des gens sont nés. S'identifie pas complètement à la gente féminine ou masculine qui puisse librement aller aux toilettes sans que tout le monde dise hey, il va pisser dans la toilette des filles ou il va dans la toilette des gars. Mm. Ouais, enfin. Par respect pour l'individu. On y est là. Oui, enfin, j'avoue que je n'ai pas d'opinion marquée sur la question. En tout cas. C'est ça, c'est. Peut-être qu'en Suède, c'est un peu dans cette volonté-là. Oui, c'est ça. Maintenant, il va falloir qu'ils mettent aussi des lieux de prière pour les musulmans. Mm. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans les lieux juifs ni dans les lieux mm-hmm. chrétiens. Alors, peut-être qu'ils mettront les transgenres à côté des musulmans. Enfin, le monde est bizarre. Hein. Alors, « Bon, donc je disais que dans l'intervalle entre deux séances, il me vient que le saut en parachute pourrait fort bien s'inscrire comme quatrième élément dans le tableau, puisqu'il peut aisément s'associer à la fissure du sexe féminin, aussi bien qu'au caractère insatiable de sa collègue, par l'attraction insatiable de la pesanteur. J'ai formulé durant la séance suivante l'interprétation en disant que ça pouvait en effet lui paraître étrange que son ami homosexuel comme lui lui offre ce qui équivaudrait pour lui à un sexe féminin. L'interprétation lui a paru tout à fait acceptable et il a enclenché sur son sentiment de confort concernant l'eau et la plongée sous-marine, qui au contraire l'attirait énormément. Ce qui est assez curieux du reste. Bon, il faut dire que c'est un patient qui a passé une grande partie de sa vie au bord de la mer. Là. Ah oui. Alors, je voulais aussi essayer de vous dire combien cette technique pouvait aussi s'appliquer à la littérature. Et je voulais vous montrer une œuvre de quelqu'un qui l'a appliquée spontanément. C'est propre, un certain propre. Non. C'est un certain Vladimir propre. Dommage que je... mes livres se baladent. Et... Alors c'est un travail qui a été fait. S'intitule Morphologie du conte. C'est paru en collection Point. C'est vraiment très intéressant. Il a pris. En fait, il a fait un travail très comparable à celui de Lévi-Strauss, mais pour les contes. Les contes russes. Vladimir Propp est un ethnologue russe qui est né en 1895 et qui a longuement enseigné l'ethnologie à l'université de Leningrad. En 1928, il a publié donc cette œuvre qui porte sur une centaine de contes fantastiques. Il procède à une analyse semblable à celle de Jacobson et Lévi-Strauss. En ce sens, il les a beaucoup influencés puisqu'ils sont postérieurs à lui. Alors, ce qu'il a fait est très simple et en même temps génial. C'est-à-dire que il a pris une centaine de contes. Et puis, c'est très simple, et puis il les a découpés. En épisode, pas vraiment un épisode, comment ça s'appelle, il y a des scènes et puis les actes. Non, les actes c'est plus grand que la scène. Tu as une scène et puis tu as Quand c'est plus petit qu'une scène, c'est... Une séquence? Une séquence, bravo. Alors, une série de séquences. Séquence 1, séquence 2, séquence 3, séquence 4, 5, 6, jusqu'à 40, 50. Enfin, là, on déroule le compte en entier sur une ligne. Et puis, on prend le deuxième compte. Et on fait la même chose en faisant attention à ce que les séquences correspondent les unes aux autres. Mm-hmm. C'est-à-dire correspondent, c'est-à-dire pas qu'elles doivent être identiques, mais elles doivent être de la même catégorie. Hein? Donc il fait la même chose ici. Et il a fait ça pour 100 comptes. Alors, est-ce qu'il y a des comptes dans ça qu'on connaît ou c'est des comptes vraiment russes là, qui n'ont pas été... On en connaît peut-être un ou deux là, qui nous sont parvenus, mais... Mais si vous voulez, c'est des contes qui... Traditionnels. C'est des contes traditionnels, exact, qui sont en Russie. Okay. Et dans une région, on raconte celui-ci, et dans l'autre, on raconte un autre. Enfin, c'est comme... Un peu comme les contes au Québec. C'est ça. Et bon, tu as un conteur qui a introduit une variation, mais cette variation... Elle doit correspondre à la morphologie du conte. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi comme variation. Le style de l'époque, tout ça. C'est ça, le style de l'époque, le style du conte. Ben, j'imagine qu'il y a des règles à respecter qu'on respecte spontanément. Alors, il dégage ainsi une structure descriptive qui mène du début à la fin du conte. Alors il dit la morphologie du conte est celle-ci. À la fin de son livre, il dit la morphologie du conte est celle-ci. L'élément 1, c'est ceci, ceci, cela. L'élément 2, c'est ceci, ceci, cela. Donc au fond, il donne le terme général, si vous voulez, de chaque séquence. Hein? Il dit là, on a un personnage féminin, phallique, qui a des poils au nez, machin, enfin, tu sais, des trucs comme ça. Et puis là, ici, on a une catastrophe qui peut être de trois sortes. Ceci, ceci, cela. Hein? C'est vraiment... Ça serait comme les colonnes des histoires. Voilà, c'est ça. Et tout ça pour arriver à des conclusions ethnologiques. Sa conclusion, ça a été de sortir le modèle abstrait des 100 contes. Tu vois, il n'a pas... Comme si tous les contes étaient basés sur le même modèle. Le même canevas, c'est ça. Donc il suffit de remplir au fond l'inconnu. Hein? C'est comme une série d'inconnus qu'on doit remplacer et puis on peut obtenir. C'est-tu un peu comme, mettons, des styles littéraires ou... Non? Non, ça pas... Parce que d'abord, c'est une période comme... je ne sais pas si on pourrait appeler ça pré-littéraire, traditionnel, c'est plus des contes. Un conte, ça a quelque chose de... Symbolique. Des mythes. C'est ça. C'est proche des mythes. Oui, c'est ça. C'est différent de la littérature. Là. C'est comme une autre sorte de de structure. Donc chacune de ces cases peuvent être remplacées par le personnage ou le fait idoine. C'est comme un canevas sur lequel on pourrait broder à sa guise et inventer une infinité de contes possibles, au fond. Il y a aussi, pour le cinéma, pour ce qui est du cinéma, je suis tombé sur un auteur qui s'appelle Blake Snyder et qui parle des règles élémentaires de l'écriture d'un scénario hollywoodien. Alors, il prétend que le film américain hollywoodien est structuré de cette façon-là, comme la prop l'a décrit, mais à la minute près. C'est-à-dire que il peut même dire à quelle minute doit apparaître tel incident. Le premier obstacle à la quête du héros. C'est ça, et que quand est-ce qu'il tombe, quand est-ce qu'il y a la poursuite, ouais. Quand est-ce que... Mais c'est vraiment à la minute près, c'est incroyable. On dirait qu'une fois qu'ils ont trouvé la formule, ils n'ont plus dérogé. Là. Ça a un nom, hein? C'est la méthode de ce type-là. Là. Mais les gens vont dire, j'ai suivi la méthode de Taylorienne, mon scénario est conforme, boum, boum, boum. C'est ça, hein? ils sont sans complexe là, de ce côté. Au contraire, même si ça va fonctionner, j'ai suivi la méthode. Oui, c'est ça. Enfin, voilà. C'est... Mais autant vous dire tout de suite, l'analyse que nous avons faite des films ne correspond pas à ça. Hein. C'est pas de cette façon que nous avons analysé les films. Je vais essayer de vous dire un petit peu. Le problème avec les films. C'est qu'il y a beaucoup de choses. Et quand quand on vient de voir un film, on est troublé par des milliers d'images qui se bousculent. Hein? Et il est difficile pour celui qui vient de voir un film de dire quelque chose. Bon. C'est pour ça que le fait d'être plusieurs à avoir vu le film, juste après le film, chacun dit le passage qui l'a touché, chacun fait des commentaires. De cette façon, si vous voulez, on extrait spontanément et collectivement du film une sorte de trame. Et puis on laisse reposer. Et puis dans un deuxième temps, on essaye de reprendre cette trame, mais cette fois c'était une trame discursive, la trame discursive des spectateurs qui ont commenté le film. À partir de cette trame discursive, là on fait une analyse. Vous voyez, donc il est difficile de faire l'analyse du film directement sur le film. Il faut un passage par le discursif avant de faire des liens, de faire des analyses. Systématiser un peu. Systématiser un peu. donc on se préoccupe très peu du déroulement linéaire du film. C'est pas ça qui compte. On essaye de travailler un peu comme pour les séances d'analyse, de trouver des épisodes qui se chevauchent dans le film. Mais le problème du film, c'est qu'il n'est pas discursif. Et donc on a besoin... C'est pas comme la séance d'analyse. La séance d'analyse est déjà discursive. Donc on n'a pas de souci, on peut travailler directement sur les propos du patient. Alors que le film, on a besoin d'une étape supplémentaire, qui est les commentaires de la salle, mettons. Mais on ne pourrait pas supposer que même avant les commentaires de la salle, ça pourrait être discursif, le film, parce que ça dit... Dans mon idée, quand on dit discursif, c'est pas nécessairement verbal. Oui. Ben, je dirais que discursif, c'est quelque chose qui se raconte à oui. quelqu'un. Vous voyez, c'est... Oui, un film raconte quelque chose à quelqu'un. C'est vrai. Quand on regarde un film, on perçoit qu'il y a un discours, il y a quelque chose qui veut se dire. Mais ça n'a pas la même facilité qu'un texte. À la limite, on pourrait plus facilement analyser discursivement le scénario d'un film que le film. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Au fond, c'est la même différence qu'il y aurait entre le rêve et les associations du rêve. Est-ce qu'on peut interpréter un rêve directement ou... Dans les livres sur les rêves. Oui, c'est ça. Ça passe, oui, ça doit passer toujours par les sujets qui regardent les films, par les sujets qui ont les rêves. C'est-à-dire, moi j'avoue que il m'arrive d'interpréter des rêves directement sans attendre les associations du patient. Mais bon, je connais le patient, puis surtout, j'ai plusieurs épisodes qui sont apparents dans le rêve et qui sont plus faciles à connecter entre eux. Quand j'ai deux, trois épisodes, je peux interpréter, je peux dire quelque chose. Mais quand on a un film qui est très long, dans le fond, on a besoin de pouvoir sélectionner dans tout ça, dans tout ce matériel, ce qui compte. C'est ça le plus difficile, en fait. C'est quoi qui compte? Et pour qu'il y ait quelque chose qui compte, il faut mettre des choses en connexion entre les différentes parties du film. Il faut trouver des... Et quand moi je trouve un élément du film, je suis branché sur cet élément-là. Mais s'il y a mon collègue qui, lui, me parle d'une autre partie du film et que je peux comparer, là, ça commence à prendre forme, tu sais. Le film, c'est long, c'est difficile de sélectionner ce qui compte dans le film. C'est pour ça que l'émotion du spectateur est utile, je dirais. Je n'en ferai pas une règle générale, mais... Je dirais que oui, l'émotion de celui qui a vu le film est un guide. Ça permet un peu de trier parmi, hein? Oui. C'est ça. De faire ressortir un peu qu'est-ce qui a frappé les gens. Voilà. Ça donne comme un guide. C'est ça, ça nous laisse supposer que l'auteur du film voulait atteindre peut-être cet objectif chez le spectateur, par exemple. Mm-hmm. On pourrait donc. Peut-être un fait très important à noter, c'est que dans la théorie de Propp, de Vladimir Propp, aussi bien que dans la théorie de Blake Snyder, du cinéma hollywoodien, décrivent des récits linéaires ont un début et une fin. Aussi fantastiques que puissent être ces films ou ces contes, ils se situent forcément dans une temporalité quotidienne et ordinaire. C'est probablement là que ces théories sont défaillantes ou plutôt incomplètes. Un auteur... Ah oui. Ah, dans l'analyse de Propp et de Blake, il y a une insistance sur la linéarité des événements. Les choses ne peuvent pas se ressembler. Il n'y a pas plusieurs épisodes, c'est ça. Contrairement à ce que Lévi-Strauss a dit, ou Jacobson, ou tout ça, il n'y a pas l'idée... d'épisode. Un auteur comme Mikhaïl Bakhtin a démontré que dans un récit, il pouvait y avoir plusieurs sortes de temporalité qu'il a appelé chronotope. Est-ce que vous connaissez Bakhtin? C'est un auteur de littérature, un auteur, un critique littéraire. Voilà, Mikhaïl Bakhtin. Il a écrit « Esthétique et théorie du roman ». Et dans son ouvrage, là, il parle de chronotope, hein, si vous voulez regarder. Ça veut dire quoi, chronotope? Ça veut dire... des temporalités diverses qu'on retrouve dans le roman. Et en particulier, il y a la temporalité linéaire. C'est une temporalité qui est tournée vers l'avenir, qui est tournée vers un dénouement. Et il y a les temporalités mythiques, c'est-à-dire c'est des temporalités qui sont plus centrées sur le passé, et tout ce qui est dans le présent se mesure exclusivement par rapport à ce passé, et on se soucie très peu de l'avenir. si vous voulez, on a affaire là à une temporalité plus cyclique. Hein. On retourne toujours vers le passé. Hein. Il y a toujours une reprise des choses, ce qui diffère de la temporalité linéaire. Alors, quand j'analyse un mythe, ou quand j'analyse une œuvre cinématographique, ou quand j'analyse des associations ou le discours d'un patient, ou bien je me centre sur l'idée que c'est un discours linéaire qui a une temporalité qui va du début à la fin de la séance, ou bien je peux percevoir dans le discours du patient une temporalité cyclique à épisode. Hein. Donc on a un retour vers le passé, une reprise, peut-être pas une reprise du passé, mais d'un élément du passé qui fait problème. Ce qui fait que son discours ne peut pas avancer, il faut tout le temps qu'il circule en boucle. C'est ce qui fait que ce discours a des épisodes. Et c'est ce qui me permet, grâce à la technique de Lévi-Strauss, d'analyser ces épisodes en les mettant en tableau. Donc, Puis en les analysant, on pense que ça aide le patient à sortir de cette boucle-là. C'est ce qu'on espère. Hein. C'est ça. En tout cas, ça problématise, si vous voulez, la difficulté. On arrive à repérer un petit peu mieux où se situe la difficulté. On peut en parler, on peut en parler dans une atmosphère très conviviale, très... J'insiste sur cette notion d'atmosphère parce que elle compte beaucoup dans cette technique d'écoute. Hein? Sais-tu qu'il n'y a pas de transfert? Que... Oui. Non, non, je... Sais-tu qu'il n'y a pas de transfert dans... C'est ça, je me dis, pourquoi là on serait plus dans relation, dans le sens... C'est comme si on suppose qu'il n'y a pas de transfert. Hein? Parce que s'il y a du transfert, on... C'est plus trop qui on est pour le patient. C'est ça. Alors, ou bien... c'est que... Il y a une... Dans l'écoute anthropologique, si vous voulez, il y a une triangulation spontanée qui est moins présente dans les cures analytiques type. Dans les cures analytiques type, on est l'analyste, le patient transfère sur nous en nous prenant pour ce que nous ne sommes pas, et notre travail est de se dégager de cette illusion dans laquelle il est de nous prendre pour quelqu'un d'autre. Mais au début de travailler selon la carrière, c'est au début, on n'essaye pas tout de suite de se dégager, on essaye le contraire. Hein? Voilà, on installe le transfert. Oui, on attend que le transfert s'installe, etc. Alors que là, ce n'est pas nécessaire, parce qu'on est, de toute façon hors de cette place-là, et la place sur laquelle on transfère est une place juste à côté. J'ai du mal, j'avoue, à vous le décrire. J'ai vraiment du mal. C'est abstrait, hein, ça. Je pense que dans le sens que pourquoi le climat serait meilleur là que dans une comme une thérapie mettons analytique plus freudienne, c'est ça que je comprends mal. C'est peut-être pas freudienne là, mais okay. Je pense que Freud était plus proche de ça que Lacan, par exemple. Ok, moi c'est ça, je connais pas Lacan. Ok. C'est-à-dire que du temps de Freud, l'anthropologie était encore présente, l'atmosphère, si vous voulez, anthropologique était encore présente. Et mettons qu'il y avait une figure de l'autorité, une figure divine ou une figure paternelle qui était continuellement présente et qui triangulait la relation de Freud avec ses analysants. C'est-à-dire que Freud n'est pas un dieu puisque de toute façon il y a déjà un dieu. Okay? Alors que, à partir de Lacan, il n'y a déjà plus de Dieu, donc on est tout le temps pris dans l'opportunité que l'analyste soit le Dieu, vous comprenez? Donc on est tout le temps pris dans une dualité, même si on sait que c'est une dualité puis qu'on essaye de s'en dégager, on est quand même pris dans cette dualité malgré soi. Vous voyez? Alors, c'est très fin comme nuance, hein? c'est pas massif, mais ça existe quand même. Et ça, si on arrive à bien mener l'atmosphère, là, on peut gérer l'atmosphère facilement. Ça me fait penser un peu dans ma formation de psychologue, pendant que nous avons étudié l'humanisme et toute l'approche existentielle de la psychothérapie et tout ça, ça me fait penser un peu à ça. Ça s'éloigne un peu de la transfert et les rôles de supposer savoir, mais un peu comme le thérapeute, dit-on, c'est un égal, en égalité avec l'analysant. L'analyste, ça serait en égalité. Ils sont les deux de personnes, ils sont les deux d'êtres. Non, c'est pas ça. Non, mais il y a la différence quand même que des fois dans l'humanisme, le ressort de l'amélioration est dans la relation. Et dans la relation, qui se crée, oui. Tandis que le ressort n'est pas la convivialité. Tu sais. La convivialité aide. C'est ça. Au modèle. C'est que, regardez, la différence est la suivante. C'est que dans l'humanisme, dans la théorie humaniste, il y a une structure fraternelle. On est tous égaux. L'acceptation inconditionnelle. Hein? Il y a l'acceptation inconditionnelle comme un des conditions indispensables. Donc on écarte la violence inhérente à la relation fraternelle, on la met de côté, même si elle revient par la fenêtre, on l'écarte. Hein? Okay. Mais c'est une relation fraternelle. Alors que la relation dont je vous parle n'est pas fraternelle. C'est une relation triangulée par une certaine transcendance. Vous voyez? C'est un peu différent. Il y a une coprésence de moi et du patient à une figure qui nous transcende, qui nous dépasse. Hein? Par exemple, l'autre jour, j'ai un patient qui est un père de famille, qui a un fils qui est adulte et qui commentait comme quoi il n'est plus la figure d'autorité qu'il était pour son fils. Mm-hmm. Il a fait son commentaire de façon amusante, et puis alors j'ai ri. Alors la séance suivante, il m'a dit, bon, j'ai remarqué votre rire, tout ça. Je lui ai dit, oui, c'était un rire anthropologique, je lui ai dit. Il voulait savoir pourquoi j'avais ri, je lui ai dit, c'est un rire anthropologique, ça veut dire que au fond, on est tous pris dans la même condition d'être des pères qui finissent par déchoir, ou tu sais. Donc, on est tous soumis à l'usure du temps, ou tu sais. Et donc, bon. Mais il n'y a pas de face-à-face fraternel, tu sais. C'est ça, c'est un peu différent. Parce que vous êtes toujours dans la position aussi de chercher à analyser. Oui, c'est ça. Plutôt que d'être juste dans la présence, ici, maintenant. Oui, ce n'est absolument pas le cas, effectivement. Fait qu'il va falloir voir dans la formation comment on peut s'en servir avec d'autres approches, comme l'approche humaniste. Parce que moi, c'est l'approche humaniste que je pratique. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est... Moi, j'ai fait personnellement 12 ans de psychothérapie analytique comme cliente. J'ai fait la formation avec Serge puis Carole. Puis pour moi, je suis encore confuse sur qu'est-ce qui fait du sens pour moi. Je suis pas certaine que ça n'en fait complètement. C'est pour ça que j'avais besoin comme d'avoir un autre angle pour voir comment je garde ça, je sors ça, je change quelque chose. Pour moi, il y a comme je suis dans une recherche identitaire par rapport à mon travail de psychologue. Donc vous avez comme 15 ans d'expérience de vie que vous n'avez pas encore comme analysé ou comme, comment dire, digéré. Hein? C'est comme rester en suspens un peu ou... Non, pas dans ce sens-là, mais plus dans le sens de tout ce que j'ai comme formation quand même, mon cheminement, mettons, comme personnel, professionnel, scolaire, puis un peu le changement de la psychologie dans notre société, puis moi, où je me situe dans ça, okay. Ce serait ça, au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel, parce qu'il y a quelque chose... des deux qui se lient, là. OK. Parce que moi, je cherche un peu mon chemin. C'est ça, oui. Tu sais, il y a tellement la cognitivo. C'est pour ça aussi que j'ai accroché sur votre offre de formation. Quand j'ai été inspectée il y a 2 ans, j'ai demandé est-ce qu'il y a des formations analytiques ou humanistes. Elle me dit, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, puis elle a eu du mal à en trouver, là, elle était là à chercher, puis ben, il faudrait chercher, là. Et dans le fond, il n'y a presque pas d'offres. Ah oui? Au niveau, il y en a, mais comparativement au cognitivo-comportemental, c'est petit, là, l'offre de formation analytique puis humaniste. Ah bon, OK. Je ne sais pas ce que... J'avoue, je ne suis pas de près les choses, là, mais je suis plus dans mon travail depuis tellement longtemps que ce n'est pas l'intérêt vraiment de chercher à... Parce que quand tu as un permis pour être psychologue, tu es obligé quand même de... Moi, je ne suis pas psychanalyste dans mon titre, je suis psychologue. Fait que je travaille avec les changements aussi là, de la profession. Mais oui. Dans ce sens-là, que c'est pas si évident que ça. C'est ça. De toute façon, vous avez raison de penser qu'un type d'écoute comme je le promeux pourrait servir pas seulement pour des analystes, mais pourrait servir à d'autres orientations. Je vois, après tout, pourquoi pas. En fait, je pointe quelque chose qui est du côté de la structure de la pensée, mettons. Hein. Mm-hmm. On met en évidence une structure de la pensée et comment aller chercher cette structure de la pensée. Bon, une fois ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec? On peut l'utiliser de n'importe quelle façon. Mais bon, je... je vous expliquerai à un moment donné comment j'ai découvert la dimension philosophique de cette technique-là. Ça a été assez surprenant, c'était il n'y a pas longtemps. Parce que je suis en train de rédiger, d'écrire un livre là, pour lequel donc je m'en vais pour le mois de novembre en essayant de le terminer. J'ai mis tout en suspens. Ah ouais. Et donc je reprends tout plein de textes que j'ai déjà écrits et j'essaye de faire un continuum avec tout ça, qui serait un livre. Mais quand je mets bout à bout tous les articles que j'ai écrits, je m'aperçois que j'ai réfléchi sans le savoir d'un article à l'autre, et là, je prends conscience de cette réflexion que j'ai eue tout au long. Hein, c'est pour ça que j'ai découvert ces dernières choses-là à propos de la technique de Lévi-Strauss. Bon, où est-ce que... Je pense que j'ai terminé pour ce texte-là. Je pourrais vous proposer un petit truc, un petit film à la télé. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu mon idée. Alors, pourquoi je vais vous proposer quelque chose qui est de l'ordre des interférences. Parce que j'ai besoin de comprendre comment ça se fait que un récit longitudinal peut produire des différences oppositionnelles. Hein? Comment ça se fait que cette chose est possible? Par quel miracle les récits linéaires, dans certaines conditions, quand on les analyse convenablement, produisent des différences oppositionnelles blanc-noir, plus-moins. Et j'ai constaté que ce phénomène est comparable à ce qui se passe dans les interférences lumineuses. Qu'est-ce que c'est, les interférences lumineuses? C'est un faisceau lumineux monochromatique de préférence, donc d'une seule couleur. Ce faisceau lumineux, on le fait passer, le même faisceau, par deux chemins différents, et puis on les fait se rencontrer, les deux faisceaux, à nouveau. Donc on découpe le faisceau en deux faisceaux, et puis on les fait se rejoindre à nouveau. Cette rencontre produit de la lumière et l'obscurité. Donc, une différence oppositionnelle. On n'est pas dans les mots, on est dans la physique, mais on a affaire à un phénomène comparable. Comment ça se fait qu'on a affaire à ce phénomène comparable? On verra. Mais là, il faut que vous soyez au courant de ce que sont les interférences en physique qui vont vous expliquer cette histoire de faisceau lumineux. Okay. Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 3 du module 11 sur les interférences. Vous avez ici à l'écran deux images. La première représente une bulle de savon et la seconde, une tache d'huile à la surface d'une route. Dans les deux cas, on observe des irisations. Et ces irisations sont dues aux interférences créées par la lumière du soleil lorsqu'elle traverse la pellicule d'eau ou de vin. Alors c'est l'anglais Thomas Young qui, en 1801, a été le premier à réaliser une expérience permettant de mettre en évidence et d'observer le phénomène d'interférence. Pour cela, il a utilisé une double fente, une source de lumière et un écran. Alors pour NTP, votre source de lumière est un laser. On retrouve ici donc une double fente, qu'on appelle aussi un bifente, et l'écran sur lequel vous allez observer la figure d'interférence, écran qui pourra être remplacé éventuellement par une caméra CCD. La figure d'interférence est la suivante. On observe une tache centrale de diffraction, une diffraction qui est due à la taille, à la largeur de chacune des fentes. De part et d'autre, il y a minima de diffraction. Et on le voit très bien ici, surtout dans la tache centrale, on observe des franges sombres. Donc ces franges sombres correspondent au minima d'interférence, c'est là où il y a l'absence totale de lumière. Donc c'est pour ça qu'on parle ici donc du minimum d'intensité lumineuse, ou bien du minimum d'interférence. Et entre ces minima, on a ici des franges claires, avec ici au milieu des franges claires, le maximum d'intensité lumineuse, ça nous parlera aussi donc du maximum d'interférence. Alors comment expliquer la présence de ces franges sombres? que l'on voit ici sur cette figure, eh bien, le plus simple ici donc, est de considérer la lumière qui arrive sur une diffante comme une onde plane. Alors, ici on est vu dessus, une onde diffante. Et au niveau de chacune des fentes, la lumière va être diffractée. Et chacune des fentes ici va se comporter comme une source qui va émettre des ondes LED. Et il y aura deux cas possibles. Le premier ici, si l'onde issue de la première fente et celle issue de la deuxième fente se rencontrent de manière à ce que leur maximum soit en phase, ainsi aussi que leur minimum ici, eh bien l'onde résultante aurait une amplitude plus grande que chacune des ondes séparées. On aura ici interférence constructive, et dans ce cas, on observera ici les franges claires. Ici, ici, ici, ici, ici, ici. Par contre, si l'onde issue de la première fente et celle issue de la seconde se rencontrent de manière à ce que le maximum de la première soit avec le minimum de la deuxième, et ainsi de suite, eh bien la somme des deux ici donnera une onde résultante avec une amplitude nulle. On parlera alors d'interférence destructive, et dans ce cas-là, il y aura absence totale de lumière, ce qui explique ici l'existence des franges sombres, et qui permet donc à Thomas Young de prouver donc la nature ondulatoire de la lumière. Alors en TP, vous allez réaliser des mesures à partir de cette figure d'interférence. Alors j'ai réalisé ici un zoom sur une partie de la figure que vous allez observer à l'écran. Et sur cette petite partie que l'on voit ici en haut à droite, on va mesurer la distance qui sépare le milieu d'une frange claire avec le milieu de la frange claire suivante. On peut également mesurer la distance qui sépare le milieu d'une frange sombre avec la frange sombre suivante. La distance mesurée sera la même. Et bien cette distance ici entre un premier maximum de densité lumineuse et le second ici est appelé ici interfrange, il se note I, et il dépend de trois paramètres. Il dépend de la longueur d'onde de la source lumineuse utilisée dans la manipulation. Il dépend également de la distance grand D qui va séparer le diffant de l'écran, mais aussi de la largeur petit a ici entre le milieu de chacune des fentes. Et la formule donc, qui sera à retenir est I est égal à l'angle d'AD sur grand A. Alors, une autre façon d'interpréter l'existence des franges sombres et des franges claires, notion que l'on verra plus en détail dans la partie courbe, est celle de différence de marche. J'ai représenté ici à l'écran le bifente de façon plus agrandie donc, que dans le schéma précédent. Ici, chacune des fentes qui va se comporter comme une source sera notée ici S1, S2. Et ici, en bleu, un rayon issu de cette source S1, cette première fente, et ici, un rayon issu de la deuxième source, donc de la deuxième fente. Et on voit ici que ces deux rayons ont une distance, ont une longueur différente. Autrement dit, l'onde qui va être issue de S2 va parcourir une distance plus grande que celle issue de S1. Et cette différence entre les deux chemins, entre guillemets, utilisés par ces deux ondes sera notée ici delta. Et on l'appelle la différence de marche. Et bien cette différence de marche, ici, est égale à k fois lambda. Et si k est un entier, autrement dit 1, 2, 3, 4, dans ce cas-là, on aura delta qui va être égal à 1 fois lambda, ou 2 fois lambda, ou 3 fois lambda, etc. Et bien dans ce cas-là, les interférences seront constructives, et on observera donc des franges claires. Par contre, si k est un demi-entier, 0,5, 1,5, dans ce cas-là, on aura delta qui est égal à 0,5 fois lambda, 1,5 fois lambda, etc. Dans ce cas, il y aura une interférence dite destructive et on observera les franges sombres. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. Voilà. C'est ça. Donc, vous voyez combien cette. Bienvenue dans cette capsule sur l'analyse dimensionnelle. C'est ça, vous voyez donc la ressemblance entre les deux phénomènes est quand même assez étonnante. Hein. On a un faisceau lumineux, unidimensionnel, évidemment qui est continuellement variable, parce que c'est supposé être une onde, et c'est une onde. Et cette onde est remise en question par les deux fentes, traverse les deux fentes, et puis se retrouve au-delà des deux fentes, et ça nous donne ce résultat. Alors, vous, quand vous avez vu ce reportage-là, il y a longtemps, ça vous a cliqué que c'était la même affaire? Je me dis, moi, c'est pas évident pour tout le monde. De faire le lien entre la physique, puis les faisceaux lumineux, puis la théorie que vous essayez d'expliquer. Oui, ça m'a pris une trentaine d'années là, pour faire ce lien-là. Ça fait... Mais bon, là, je pense que non seulement j'ai fait le lien, mais j'ai le courage de dire aux gens que j'ai fait le lien. Ce qui n'est pas facile. C'est-à-dire, je me sens la capacité de justifier le lien que je fais. Avant, j'avais l'intuition que le lien était là, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Mm-hmm. Mais là, j'arrive. Je sais que... C'est pas simple. C'est ça. Mais je vous donnerai les informations qu'il faut pour que ce lien soit évident et convaincant. Alors, pas tout de suite, là. Non, mais tout ça peut être avec les exemples. Ouais, c'est là que je comprends l'épisode. Ouais. C'est dans quelque chose qui est plus concret. En fait, le passage va se faire... à travers deux philosophes présocratiques, un qui s'appelle Héraclite et l'autre qui s'appelle Parménide. Quand je vous parlerai de ces deux philosophes-là, ce sera assez évident. Héraclite puis Parménide. J'ai des trucs. Mon chum, moi, étudiant philo, comprend de l'avant. Mais oui, c'est ça. Il m'avait déjà dit, hey, tu vas voir, c'est dur à comprendre, mais dis-moi, je vais pouvoir t'aider. Ben oui. Héraclite est plus connu. Hein? Oh, les deux chevals, ils sont... Ce sont les... Parménide est un... précurseur immédiat de Platon, parce que Platon a repris les travaux de Parménide. Donc, après, on dirait que quand on a les résultats, ces résultats qu'il y a des moments ombres et clairs, ça sera aussi l'épisode avec ce que vous venez de dire, il y a des sauts. Signifiant qu'ils s'opposent, non? C'est ça. Dans ce sens. C'est ça. Alors, on peut se fixer sur ces oppositions de signifiants, mais on peut aussi rechercher au-delà, derrière les oppositions de signifiants, où se trouve le flux linéaire. Mmh. Mmh. Donc, on peut remonter encore plus loin. On devrait découvrir si c'est... un numéro entier ou c'est... Un nombre entier ou... Un nombre entier ou... C'est quoi le cas? C'est ça, le fameux cas qui... C'était quoi la formule? Le delta est égal à k fois lambda, hein, c'est ça. Est-ce que vous, vous estimez avoir reçu suffisamment d'informations pour aujourd'hui? Parce que on pourrait, y a Tamara qui veut partir. Oui, je vais partir. Puis bon, pour une première fois peut-être, on va vous laisser respirer. Oui, c'est ça. Une petite question un peu peut-être plus curieuse que technique. Est-ce que par exemple dans cette approche où c'est un peu plus convivial entre l'analyste et l'analysant, c'est pas nécessaire de ces sortes de conditions qu'on met des fois dans d'autres approches psychanalytiques à propos de par exemple à propos du thérapeute, à propos de l'analyse, par exemple, ça, il doit être une personne que l'analysant n'a pas du tout de rapport avec ailleurs l'analyse. Ou, ça, celui-là, c'est plus ouvert, non? C'est plus, j'imagine? Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut quand même être prudent. C'est quand même pas, c'est pas là comme la liberté là, mais comme il y a un espace intermédiaire, c'est comme si il y a du blanc et du noir, mais il y a aussi du gris, et il faut respecter, à mon avis, la présence du gris. C'est-à-dire, tant qu'il y a du gris, ça marche. S'il n'y a plus de gris, ça ne marche plus. Si vous voulez, la caractéristique de cette approche, mettons, c'est la présence du gris. Et je suis scrupuleux, bon, à ne pas avoir des relations compromettantes avec le patient, ça c'est sûr. Mais je suis aussi scrupuleux à ne pas avoir de relation tranchée avec le patient. C'est les deux risques pour moi que je dois éviter. Tranchée, ça veut dire exactement quoi, par exemple? Ça veut dire, par exemple, il ne vient pas à une séance, puis je dis, bon, une séance que vous devriez peut-être payer. Je ne dis pas, vous devez la payer. Je dis, il me semble que peut-être vous, ce serait préférable. C'est ça le gris. Ok. Il y a des tas de moments comme ça où on peut trancher, et où je ne tranche pas pour laisser du gris. Oui, oui, oui. Parce que si, si je laisse pas de gris, là, on dirait que tout s'écroule un peu. Oui. C'est aussi, c'est le noir aussi, le semblant typique de l'analyste que ne dit rien ou que parle très peu ou qu'il y a les semblants d'une personne complètement neutre aussi. C'est ça, ça aussi. C'est du blanc et du noir. Oui. Mais on n'entend pas ça très fréquemment de laisser autant de se servir de l'indécision en fait. C'est ça. À la place, souvent ce qu'on entend c'est ben non, il faut, trancher. Il faut trancher, donner une direction, on sait ce qu'on fait en fait. Mais de dire, ben, de s'en servir comme levier même, puis de dire, ben, ça serait préférable, mais laisser la place à la réaction, à l'exploration. C'est ça. Puis j'imagine que dans ce temps-là, les clients, ils ont plus tendance à vouloir payer que pas. Tout à fait. Tout à c'est fait. Ce que j'imagine. Oui, oui. Puis ça leur laisse un choix. Ça. Et ils estiment la relation qu'ils ont avec le thérapeute suffisamment précieuse pour vouloir l'alimenter. Mais quand on vous demande c'est quoi votre, mettons, pas votre profession, mais comment vous travaillez, est-ce que vous êtes un psychanalyste anthropologique ou... J'ai vraiment psychanalyste du mal trop, puis les gens se font leur propre idée, ou... c'est embêtant, hein? Oui, parce que j'ai pas trouvé un terme là qui... C'est pas de l'anthropologie psychanalytique, c'est pas de la psychanalyse anthropologique, parce que d'une certaine façon, cette anthropologie était déjà là du temps de Freud. C'est-à-dire, ce que je prétends, c'est que je fais en réalité un retour à Freud, au-delà de Lacan. C'est-à-dire, je passe par-dessus Lacan pour retrouver Freud. Alors que Lacan lui-même disait, oui, il faut faire un retour à Freud. Moi, je prétends que, en faisant son retour à Freud, il a fait une coupure avec Freud. Et je prétends que restaurer l'anthropologie en psychanalyse, c'est restaurer l'origine, d'une certaine façon. C'est restaurer le temps des empires, mettons, hein, le temps où c'est-à-dire que Lacan était pris avec un problème, c'est que les années 30 et 40 ont détruit l'image paternelle. Donc il ne pouvait plus compter sur une image paternelle. Si bien qu'il a décidé d'en faire fi, de ne plus s'en occuper. Et la théorie la théorie lacanienne est une théorie plus fraternelle que paternelle. À un moment donné, quand je vous parlerai de la structure du comportement religieux, je vous montrerai comment le christianisme occidental a marqué, la théorie lacanienne a marqué cette sorte de dualisation de ce qui pouvait être, de ce qui a été longtemps triangulaire. Je pense que Lacan a dualisé quelque chose qui était à l'origine ternaire. Enfin, je veux pas... D'ailleurs, je suis surpris que je ne vous en ai pas parlé, parce que ça faisait partie de mon texte. Dualisé quelque chose qui était avant? Comment? Lacan a dualisé quelque chose qui était... Avant, oui. Avant était comment? Ternaire. Ah, ternaire. Oui. Okay. Je pense que j'en ai parlé, mais j'ai sauté dessus rapidement, dans l'analyse du comportement religieux. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que le comportement religieux, ou les grandes religions que sont l'islam et le judaïsme, ou bien le christianisme oriental, sont des théories ou des systèmes triangulaires. Alors que le christianisme occidental est un système binaire, ou un système très pyramidal, avec la double nature de Jésus-Christ, qui sert d'intermédiaire entre le ciel et la terre. Le Jésus humain et Jésus divin, qui sont dans la même personne, la double nature qui sont dans la personne du Christ, sert d'intermédiaire entre le ciel et la terre, mettons, la terre et le ciel. Donc il y a une ligne directe, ciel-terre, comme ça. Et puis Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire que les liens fraternels qu'il y a entre nous sont comparables aux liens verticaux qu'on a eus avec lui. Hein? Mm-hmm. Donc il y a comme ça, alors que la structure des autres religions est plus complexe que ça. La structure du christianisme occidental est au fond, se résume à peu de choses. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, ça se réduit à ça. Malgré toute la complexité du phénomène, c'est ça qui compte presque exclusivement. Mais ça ne se retrouve pas dans les autres religions. Les autres religions sont beaucoup plus complexes. Et même, je parle du christianisme oriental, c'est-à-dire du christianisme orthodoxe, qui est différent de ça. Le christianisme orthodoxe insiste énormément sur la Trinité, alors que les catholiques, ils s'en foutent de la Trinité. Ils ont balancé ça fait longtemps. Pour eux, ce qui compte, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un lien direct. Bon. Je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Mais... Ah oui, pour dualisation, c'est ça. Alors Oui, parce que vous parlez que vous avez un peu retourné à Freud et parlé de Lacan, que Lacan, c'est pas ça qu'il avait fait, en quelque sorte. C'est ça. Parce que du temps de Lacan, il n'y avait plus de vie communautaire. Il n'y avait plus de communauté. Toutes les communautés ont été détruites par la guerre. Les liens sociaux qui existaient avant la guerre ont disparu. Et il ne reste plus que... Les liens communautaires qu'il y avait avant la guerre ont disparu en raison de la guerre et ont été remplacés par des liens sociaux. Il faut différencier liens communautaires et liens sociaux. C'est deux choses différentes. En ce sens que le lien communautaire est un lien différentiel, et le lien social est un lien égalitaire. Ça aussi, c'est... Alors, le lien égalitaire est toujours forcément duel. Alors que le lien communautaire est toujours forcément ternaire. Donc, et c'est des structures collectives qui sont très différentes. Même si elles peuvent coexister plus ou moins les unes avec les autres, mais... C'est très difficile de vivre dans les unes et dans les autres. Là. Quels exemples je peux vous donner? C'est vrai que je ne sais pas si dans votre vie personnelle, vous avez l'occasion de sentir ce qu'est un lien communautaire. Comment vous le décrire, c'est-à-dire un lien ou un ensemble de gens où chacun a sa place, a son rôle, a son... Une famille traditionnelle, voyons, mettons une famille traditionnelle, c'est une famille où chacun a sa place, le père a un rôle, la mère a un rôle, les enfants doivent obéir, les enfants ceci, c'est-à-dire c'est une structure différentielle où il n'est pas question que le père et la mère se ressemblent, au contraire. Il importe que la mère soit différente du père. On ne rigole pas avec ça. S'ils se mettent à se ressembler, là c'est le désastre. Hein? C'est à ça qu'on comprend qu'il s'agit d'une structure communautaire. C'est quand ils se ressemblent, ça ne va plus du tout. Hein, c'est... Alors que la structure sociale, imaginez, je ne sais pas, l'armée, l'école, la vie professionnelle. Le communisme, peut-être. Le communisme aussi, peut-être, oui. Sont des liens sociaux égalitaires. Et c'est bidimension. Comment on dit bi quoi? Bidimension. Binaire ou binaire. C'est dans le cas par exemple d'une école. C'est quoi le deux dimensions bidimensionnelles? C'est d'une part c'est les membres qui sont tous égaux. C'est ça. Et de l'autre, par rapport à quoi l'autre? Ils sont égaux par rapport au savoir. Okay. Bon, il reste des traces de différence puisqu'ils ont un maître, mais même là, le maître est un scandale qu'il faut éliminer parce que le maître il fait une différence avec les élèves. Comment ça, c'est possible que lui il en sache plus que les élèves? C'est inacceptable. Il faut que d'emblée, dès l'origine, l'enfant sache tout et que le maître n'ai plus rien à lui enseigner. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et tout le monde pense des choses comme ça sans se le dire, sans même se le dire à soi-même, tu sais. On dit, bon, il faut qu'on soit égaux, même le maître, c'est pas normal qu'il en sache plus que moi. Donc il doit être aussi ignorant que moi. Voilà, c'est... Donc c'est... Vous voyez combien ces deux structures sont différentes. Bon, l'inconvénient de la structure communautaire, c'est que la rivalité est difficile. Elle n'est pas recommandée. C'est-à-dire, la performance est difficile. Je ne peux pas faire mieux que les autres. Hein. Pas essayer de me montrer, de performer, ça, les gens te regardent, se disent « Oh !» Un peu comme d'un organisme communautaire. Ouais, c'est ça. Dans le sens versus dans l'entreprise privée. Oui. C'est comme si ça va être mal vu d'essayer de ressortir du lot dans le communautaire. Mais ça, c'est social. Ça, c'est social. Ça, c'est pas communautaire. Le communautaire est social. C'est ça que j'ai compris aussi. Dans le communautaire, c'est dur de performer. Pourquoi? Parce que si tu performes, c'est que tu te mets en concurrence. Et bon, la concurrence n'est pas recommandée. Ce qui est recommandé, c'est au contraire la différence. Moi, je suis soumis à Dieu, donc je suis modeste. Et je dois rester modeste, et même comme si... Nous tous. Ouais, c'est ça. Enfin, comme nous tous, pas forcément, pas forcément. Parce que on est modeste par rapport à Dieu. On n'est pas modeste pour... Comment dire on est modeste parce que autrement, on mettrait en valeur l'idée de rivalité. On ne veut pas remettre, on veut pas mettre en valeur l'idée de rivalité. Voilà. C'est ça. Il faut, c'est banni. Alors que dans l'autre domaine, au contraire, la rivalité est acceptable. Alors je ne sais pas dans ton exemple. Le communisme. Le communisme, par exemple. Le communisme, c'est ambigu un peu, parce que c'est un lien social, c'est pas un lien communautaire, mais en même temps, il ne recommande pas la performance. Hein? Je pense que Le communisme, c'est une formule hybride entre les deux systèmes qui serait comparable à l'intégrisme. L'intégrisme, c'est quand la religion essaye de faire société, quand la religion devient politique. Donc elle adopte des principes qui viennent des deux côtés. Et je pense que le communisme fait partie de oui. ce genre c'est de choses. C'est comme une religion. C'est ça. C'est comme une idéologie, mais qui fait politique. C'est ça. Donc il y a en fait, actuellement il y a trois termes. Il y a la communauté, la société et l'intégrisme qui fait un peu des deux. Mais c'est qui n'accepte pas la rivalité? Les sociaux? Les communautés? Mm-hmm. Oui. Mais les communautés ne sont pas ceux qui sont différents, qui acceptent la diversité? Je pense qu'elle elle mélange le communautaire de... Peut-être je me trompe, mais le communautaire, comme on parlait des organismes communautaires. Non, dans le sens qu'elle venait d'expliquer. OK. Le communautaire, c'est ça qui... Oui, les éléments sont différents, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et pourquoi on n'accepte pas la performance? Dans quel sens? Écoute, on a une autorité qui a un rôle... qui a le rôle d'être performant parce qu'il est à sa place d'autorité. Okay. Mais si on a un élément qui veut renverser le système, par exemple, ou qui veut introduire de la rivalité, on n'accepte pas d'introduire la rivalité. C'est-à-dire que il y a une différence importante entre différence et rivalité. En fait, si chacun a son rôle, ça ne sert à rien d'être le meilleur que l'autre dans un rôle. C'est ça. On a à jouer son rôle. On peut le jouer très bien, mais sans aller dire « je le joue très bien ». Et mieux que toi. Oui, mieux que toi. C'est ça. On le joue, puis c'est tout. Parce que c'est notre job de le jouer. Et on est redevable qu'à Dieu ou à la figure paternelle. On est récompensé par cette figure paternelle. On n'est pas récompensé, mettons, par le regard d'autrui, en principe. Alors que la rivalité, c'est autre chose. C'est la rivalité fraternelle. C'est un peu comme d'une école, okay, tout le monde n'a pas les mêmes notes. Il y a une rivalité pour qui est meilleur, qui est moins bon. C'est ça, c'est ça. Là, dans votre réflexion, il y a eu beaucoup de... En fait, il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à comment accueillir comme psychanalyste des gens qui ont vécu des systèmes différents. Qui ont été en communauté ou qui ont été... Et comment leur demande peut être différente et comment on ne peut peut-être pas les écouter de la même façon. Exactement. J'ai eu ce problème-là avec les orientaux, par exemple, qui vivent dans une atmosphère communautaire pour la plupart. Alors j'ai dû comprendre les codes de la vie communautaire et comment la psychologie ou la psychanalyse pouvait s'adapter à ces codes-là. Hein? J'ai mis du temps, par exemple, à comprendre que dans la vie communautaire, ce qui compte, c'est la négociation. Il fallait pouvoir négocier. Il fallait qu'on soit tout le temps en condition de pouvoir négocier. Pourquoi ? Parce que il y a toujours deux pôles qui négocient entre eux. Hein? Si je refuse de négocier, ça ne va pas. n'y a pas quelque chose, que une règle comme ça que j'applique systématiquement. D'où vote, il serait préférable de payer. Oui, c'est ça. C'est pas la règle, c'est de payer, tu vas payer. Bon, la règle, c'est de payer, mais bon, on va voir, là. Alors, c'est toute cette série de nuances que j'ai appris à avoir avec les gens qui vivent dans une atmosphère communautaire. La négociation en est une, la valeur de la parole en est une autre. C'est-à-dire que la parole chez eux est aussi une négociation. Alors que chez quelqu'un qui vit dans une atmosphère sociale, mettons, dans un lien social, la parole peut se débiter librement sur le divan, sans que je sois là pour donner de la valeur à ce qui est dit. Hein? La parole peut, elle peut sortir beaucoup plus facilement. Elle n'est pas l'objet d'une négociation. Hein? C'est très différent. Et bon, bien sûr, je dois m'adapter à ces deux situations et je dois avoir une attitude qui est adaptable aux deux situations aussi. C'est ça, que je dois avoir une attitude unifiée qui s'adapte aux deux types de comportements. Ça a été difficile, ça aussi. Hein, je peux être un négociateur exclusif et ne rencontrer que des patients négociateurs, mais ça me limiterait, ça me dérangerait d'être limité à ça. Donc je suis un thérapeute qui peut négocier, mais qui peut aussi fonctionner autrement. J'ai essayé d'atteindre cette espèce de niveau d'unification. Indépendant. Oui, c'est ça. Sinon, j'aurais été vraiment embarrassé. Oui. Désolée, j'ai tout parlé. D'accord. C'était très bien. Merci. Merci. À la prochaine. La semaine prochaine, je ne sais pas qui va parler, si c'est moi ou si c'est Christian. Je vais voir avec lui, là. Si c'est lui, il parlera le matin, puis l'après-midi, il y aura un film. Et si c'est moi, je vais être... Vous allez devoir vous parler alors. Oui, c'est ça. Ça, je vais vous parler de totem et tabou. Ben voilà. Merci. Merci à vous. On va les décanter. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je craignais d'en dire trop, je craignais d'en dire pas assez. Mais bon. Hey, je m'excuse, c'est quoi ton prénom? Jean-François. Ah, ça fait plaisir. Dans le sens, si on ne s'est pas présenté, c'est peut-être vrai, s'arrêter. Bon, se présenter en dînant. J'aime ça, vous savoir c'est qui. Je ne retiens pas les noms à le premier tour de table. C'est ça. On va peut-être. Quand tout le monde sera là, je pense la semaine prochaine. Otto va être là, puis Eric Paquette, peut-être qu'il va être là, j'ai pas bien compris. Donc. Il y a des gens qui reviennent parce que c'est difficile à intégrer, puis ils veulent refaire la formation. C'est arrivé là que des gens reviennent. Mais les personnes qui sont là, il y a Otto et Tamara qui ont suivi la fin de l'autre formation. Ah. Donc, Il avait besoin du début. C'est ça. Pourquoi? Tu vois, Tamara est surprise de tout ce que j'ai pu dire là, parce que même si elle a suivi la fin de l'autre, elle n'était pas familière avec les principes de base. Excusez, l'enregistrement, on peut le trouver peut-être sur Internet après ? Cet enregistrement-là ? Oui. Oui, je devrais, mais tu vas sur YouTube et tu cherches H. Bailey, puis c'est la leçon inaugurale et Lévi-Strauss, et le premier cours. YouTube. Sur YouTube, merci. Oui. Bon, ce que j'ai mis, l'enregistrement est plus cadré, là, mais là, c'est autre chose. J'avais écouté un bout pour voir un peu c'était quoi. Okay. Puis je me suis dit, oh, je pense que je vais attendre nos cours. Oui, c'est un peu difficile. J'avais peur que...